إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans notre cours sur l'explication des fondements de la da'wa salafiyya. On est aujourd'hui dans le cours numéro 40. Avant de commencer, donc on est toujours dans les questions qui ont rapport avec la réfutation des néo-khawarij. Et on va parler maintenant d'un point qui a rapport avec al-wala wal-bara. Dawabit al-muwala lil-kuffar. Il y a des règles, des principes qui ont rapport avec le fait d'aimer ou de s'allier avec les kuffars. Mais aujourd'hui, au lieu de lire dans le livre, on va lire à partir d'une autre référence qui est le livre, ou bien plutôt une conférence qui a été donnée par le Cheikh Suleyman al-Ruhayli, un des docteurs des chouyours de l'Université islamique de Médine. Il a fait une conférence sur Al-Wala ou Al-Bara. Et cette conférence, il a vraiment expliqué les principes et les règles de base pour comprendre Al-Wala ou Al-Bara. Et pour expliquer qu'est-ce qu'il y a rapport avec Al-Wala envers les kuffars et pour savoir chaque verdict par rapport à ce qui a rapport avec ces choses-là. J'aimerais, de la part des frères qui sont vraiment qui sont vraiment motivés, hein, qui veulent vraiment bien comprendre ce sujet, de prendre un stylo et une feuille pour noter les points qu'on va mentionner, parce que c'est très très très important. Et le Cheikh Suleyman Hafizahullah, Cheikh Suleyman Al-Ruhayli, il a vraiment bien détaillé et expliqué les choses. Donc ne faites pas l'erreur de ne pas noter ces points-là et de ne pas les écrire, parce que le fait de bien noter ces explications, Marwan, le fait de bien noter ces explications, ça va vous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'erreurs dans votre compréhension si jamais vous avez mal compris ces points-là. Donc s'il vous plaît, je vous demande, pour votre bien à vous en même temps, puis pour profiter plus de la question et du sujet, khair inshallah. Donc comme je disais, le Cheikh Suleyman al-Ruhayli, il a bien détaillé le sujet. Cheikh Suleyman al-Ruhayli fassala fi mas'alati al-wala wal-bara wa qassama al-ahkam ila aqsam wa إلى أنواع وبيّن حكم كل نوع فإن شاء الله سأذكرها إن شاء الله بإذن الله تكتبونها وتستفيدون إن شاء الله. Donc الشيخ يقول الولاء هو الحب القلبي وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة المبنية على ذلك الحب. Donc الشيخ, je le répète, الولاء هو الحب القلبي وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة المبنية على ذلك الحب. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Suleiman al-Ruhayli au sujet de Al-Wala al-Bara? Il a dit Al-Wala, c'est l'amour du cœur. C'est l'amour du cœur. Huwa al-hubb al-qalbi. Wa ma yatba'u dhalika. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui découle de ça? Et qu'est-ce qui suit, hein, des actions apparentes? Min al-a'mal al-zahira. Min al-a'mal al-zahira. Marwan, كتبته? اكتب الولاء هو الحب القلبي وما يتبع ذلك et ce qui découle de cela ou bien ce qui suit de cela وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة parmi les actions apparentes المبنية على ذلك الحب qui sont basées sur cet amour. هذا هو التعريف. الشيخ ركن الولاء هو الحب الذي في القلب ويتبعه أعمال ظاهرة. Donc le pilier de الولاء c'est quoi? C'est l'amour qui est dans le cœur et ce qui en découle des actions apparentes. يعني ركن الولاء هو الحب الذي في القلب ويتبعه أعمال ظاهرة. الشيخ يقول ensuite ولكن ليس كل عمل يكون من الولاء ولكن هو العمل المبني على ذلك الحب. Donc le Cheikh il dit c'est pas toutes les actions qu'on fait qui rentrent dans الولاء mais plutôt c'est l'action qui est basée sur cet amour là, hein? C'est l'action bal huwa al-amal al-mabni ala dhalika al-hub hadha yadkhul fi al-wala. Mathalan al-i'anatu wan-nusra lil-muslim hadha wala'un mashru'. Par exemple, de venir en aide et de défendre, de venir au secours d'un musulman. Ça, c'est une forme de wala qui est permise, qui est légiférée dans l'islam. Hein? Al-i'ana wa al-nusra lil-muslim. Hada wala un mashru'. Le Cheikh, il dit, هذه الإعانة قد تكون لأنه يحبه لأنه مسلم. وهذا من الولاء. هذه الإعانة قد تكون لأنه يحبه لأنه مسلم وهذا من الولاء. Cette aide, cette défense du musulman, ça se peut que c'est à cause de l'amour qu'il a pour lui parce que c'est un musulman. Et donc dans ce cas-là, ça fait partie de الولاء. وعليكم السلام. Dans ce cas-là, ça fait partie de الولاء. وقد يكون لأنه يرغب في الدنانير والنقود من عنده مقابل هذه الإعانة وهذه ليست من الولاء. وقد تكون لأنه يرغب في الدنانير والنقود من عنده مقابل هذه الإعانة هذه ليست من الولاء. Donc ça se peut que cette aide, il l'a fait parce qu'il l'aime, parce que c'est un musulman, ou bien il le fait parce qu'il veut de l'argent que ce musulman possède et il veut avoir cet argent en échange de cette aide. Ça ne rentre pas dans Al-Wala. Donc on voit que il y a une différence selon l'intention. On a que farq بين ما هو يعني من الولاء وما ليس داخل في الولاء بحسب النية الموجودة في القلب. والبراء مثله ولكن اجعله في البغض. يعني البراء c'est la même chose mais sauf que tu l'appliques à la haine au fait de détester. فهو البراء هو بغض القلب وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة المبنية على ذلك البغض. البغض القلب, c'est-à-dire c'est la haine du cœur, et ce qui en découle, ou ce qui suit de cela, parmi les actions apparentes, yani وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة, qui sont basées sur cette haine. Les actions apparentes qui sont basées sur cette haine. المبنية على ذلك البغض. Un exemple, مثلا بغض أهل البدع. بغض أهل البدع. La haine, par exemple, la haine des gens de bid'a. Yani, un homme peut venir et tu le détestes à cause de sa bid'a. Hein? ويبغض إنسان يعني يبغض لبدعته ومبتدع ويهجره لأنه يبغضه لأجل بدعته. هذا من البراء المشروع. يعني tu le vois et tu t'écartes de lui, tu le boycottes à cause de sa bid'a. Ça c'est une forme de bara qui est légiférée. Hein, qui fait partie de l'islam. Wa akhar qad yahjur mubtadi'an li'annahu la yuhibbu an yatahaddatha ma'ahu walakin yaj'al al-bid'a sababan li hajrihi. Donc il dit, un autre, il s'écarte ou il boycotte un mubtadi', mais pas parce que, pas nécessairement à cause de sa bid'a, à cause qu'il n'aime pas parler avec lui. Yani, لأنه لا يحب أن يتحدث معه ولكن يجعل, mais il essaie de faire croire ou de montrer que c'est la bid'a qui est la cause pour laquelle il s'écarte de lui ou il refuse de lui parler. ولكن حقيقة الأمر ليس مبنيا على بغض القلب. Mais la réalité, elle n'est pas basée sur la haine du cœur. Le cheikh dit, لذلك يوجد غيره يفعل نفس البدعة ولا يهجره. La preuve, c'est que il y a une autre personne qui fait la même bid'a, mais il ne le boycotte pas et il ne cesse pas de lui parler. فيفعل نفس البدعة ولا يهجره. هذا ليس من البراء المشروع. Ça ne rentre pas dans qu'est-ce qui est une bara qui est légiférée. Hein? Par rapport à l'intention de la personne. ضابط المسألة أن البراء هو بغض القلب. Donc la règle de base pour comprendre cette question là c'est de comprendre que al-bara c'est la haine du cœur. C'est la haine du cœur. Al-wala ينقسم إلى قسمين, ولاء مشروع وولاء ممنوع. الضابط للولاء المشروع هو حب الله وحب من يحبه الله وحب ما يحبه الله. Donc il dit que الولاء se divise en deux catégories. Une forme de wala qui est légiférée et une forme de wala qui est interdite. الضابط للولاء المشروع, la règle de base pour savoir qu'est-ce qui est une forme de wala qui est légiférée, c'est al-hubbu, c'est premièrement d'aimer Allah. Wa hubbu man yuhibbuhu Allah, et d'aimer celui que Allah aime. Wa hubbu ma yuhibbuhu Allah, et d'aimer ce que Allah aime. D'aimer celui que Allah aime et d'aimer ce que Allah aime. هذا ضابط الولاء. وحب مثلا حب الأنبياء, ومثلا هذا مثال لحب من يحبه الله, حب الأنبياء, حب الصالحين. ومثال لحب ما يحبه الله يعني الأعمال الصالحة. يعني des exemples de d'aimer ce que Allah aime ou d'aimer celui que Allah aime, c'est d'aimer les prophètes, d'aimer les hommes pieux, d'aimer les bonnes œuvres. والملاء والولاء الممنوع هو حب ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. Et la forme de wala qui est interdite, al-wala al-mamnu', huwa hubbu ma yubghidhuhu Allah wa man yubghidhuhu Allah. La forme de wala qui est interdite, c'est d'aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et de détester celui que Allah déteste. Si tu aimes ce que Allah déteste ou celui que Allah déteste, alors ça c'est une forme de wala qui est interdite. Mithal ou zalik, l'exemple, hubbu shirk ou hubbu al-kufri ou hubbu al-bid'a ou hubbu al-ma'asi. Hein? L'exemple de ça, c'est comme d'aimer le shirk ou d'aimer le kufr ou d'aimer la bid'a ou d'aimer les péchés. Wa kadhalika hubbu al-mushrikin wa hubbu al-kuffar wa hubbu al-mubtadi'a. Hein, d'aimer les mushrikines, d'aimer les kuffars, d'aimer les mubtadi'a. Ça, c'est une forme de wala mamnou', une forme de wala qui est interdite. Wa kadhalika al-bara yanqasimu ila mashrou'in wa mamnou'. De même que al-bara, il se divise en une forme de bara qui est légiférée, wala bara mashrou'. وبراء ممنوع. Hein? Une forme de bara qui est légiférée et une forme de bara qui est interdite. المشروع, البراء المشروع, بغض ما يبغضه الله أو من يبغضه الله. C'est-à-dire de détester ce que Allah déteste ou celui que Allah déteste. بغض ما يبغضه الله أو من يبغضه الله. مثال ذلك بغض الشرك بغض البدعة بغض المعاصي. L'exemple c'est de détester le shirk, de détester la bid'a, de détester les péchés. Ça c'est une forme de bara مشروع. بغض المشركين والكفار, de détester les مشركين et les كفار. Ça c'est une haine qui est légiférée. والبراء الممنوع هو بغض ما يحبه بغض ما يحبه الله أو من يحبه الله. ها بغض ما يحبه الله أو من يحبه الله. L'exemple de bara qui est interdite, qui est ممنوع, c'est de détester ce que Allah aime ou celui que Allah aime. Exemple, مثال كبغض الأعمال الصالحة, comme de détester les bonnes œuvres. حتى ولو كانت في الأمور الصغيرة, même si ça fait partie de détester des choses qui sont petites. Hein? وهذا جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a mis ça parmi les choses qui font partie des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Hada ja'alahu min nawaqid al-islam, an yubghid al-muslim aw al-shakhs shay'an yani min ad-din. Yubghiduhu min ad-din. Hada min nawaqid al-islam. Ka bughd al-a'mal as-salihah, mathalan. Wa kadhalika بغض من يحبه الله كبغض الأنبياء وبغض الصالحين وبغض يعني أهل الخير إلى غير ذلك. للشيخ الزي, هل كل حب لكافر يكون ناقضا للإيمان مخرجا من الإسلام؟ للشيخ الزي, est-ce que هل كل حب لكافر يكون ناقضا للإيمان مخرجا من الإسلام؟ Est-ce que tout amour pour un kafir, ça rend, ou ça fait que ça rentre dans qu'est-ce qui annule la foi et qui fait sortir de l'islam? Hein? Donc le cheikh il répond à cette question. حب الكفار أنواع. حب الكفار أنواع. L'amour des kuffars elle est de différentes catégories. Et ça, c'est très important de les écrire et de les noter. أولاً حب الكافر النوع الأول حب الكافر لدينه يعني تحبه لدينه وشركه وكفره يعني النوع الثاني حب الكافر لدنياه لا لدينه مثلا كحب حب الكافر لأنه ماهر في التجارة يعني مثلا كافر le deuxième exemple, la deuxième catégorie, c'est d'aimer un kafir pour sa dunya. Tu aimes un kafir pour sa dunya et non pour sa religion. Par exemple, c'est un expert dans le commerce. Deuxièmement, d'aimer le kafir pour sa dunya. Troisièmement, النوع الثالث, حب الكافر للمعصية. مثلا, المغني أو المطرب. تحب لغناء مثلا d'aimer un kafir pour un péché qu'il fait comme par exemple tu l'aimes ce kafir parce que c'est un bon chanteur ou une chanteuse elle chante, tu trouves qu'elle chante bien et des choses comme ça et ça c'est haram donc ça c'est un exemple aussi d'amour pour le kafir النوع الرابع حب الكافر لأمر مباح كمثلا لعب الكرة تحب لاعب الكرة الكافر لأنه يلعب جيدا هذا إن كنت أو إن كنا نقول بأن لعب الكرة جائز أي نعم c'est-à-dire que d'aimer le kafir pour une chose qui est permise comme par exemple d'aimer un joueur de soccer, un joueur de football. Tu l'aimes, il est kafir, mais tu l'aimes parce qu'il joue bien. Ça, c'est lorsque si on considère que de jouer au soccer ou au football, c'est permis pour celui qui considère que c'est permis. Comme le cheikh, il l'a noté lui-même. Oui, c'est ça que le frère, il dit justement. Mais je dis que dans les choses de la dunya, il y a des choses permises, il y a des choses interdites, il y a des choses... c'est pour ça que le cheikh, il les a... catégorisé de cette façon pour distinguer entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc on a mentionné la quatrième. La cinquième que le cheikh a mentionné, حب الكافر لأمر أذن الله فيه. حب الكافر لأمر أذن الله فيه كحب المسلم لزوجته النصرانية أو اليهودية. Le cheikh il a mentionné comme cinquième exemple d'aimer le kafir pour quelque chose que Allah a permise. Une chose que Allah a permise, comme par exemple, que le musulman, il aime son épouse chrétienne ou juive. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala abaha lil muslim an yankiha al-nasraniya ou al-yahudiya. Wa al-nou'u al-sadis hubbu al-kafir al-fitri. كحب الولد الكافر إن كان هذا الولد كافرا أو حب الأب والأم حب الأب إذا كان كافرا والأم إذا كانت كافرة فدمي الكافر d'un amour naturel instinctif comme l'amour d'un enfant كافر. Ton enfant, il n'est pas musulman, tu l'aimes parce que c'est ton enfant. Ça, c'est un amour naturel. Wa lidhalika ahkam. Li hadhihi al-aqsam, li kulli qismin minha, hukman, al-sheikh qassama al-ahkam ila arba'a. Donc, le sheikh, il a divisé les règles qui se rapportent aux six catégories qu'on a mentionnées en quatre règles, ou en quatre règles, yani hukum ou jugement ou verdict par rapport à ces six catégories là. Yani awalan al-hub al-naqid al-naqidu lil-iman. Al-hub lil-kafir al-naqidu lil-iman. هذا الحكم الأول. سنذكر الأحكام ثم نفصل ونبين ما أي قسم يدخل فيه يعني أي حكم. On va mentionner chacune des règles, puis après on va mentionner quel verdict en, par rapport aux différentes catégories. الحكم الثاني حب الكافر المنقص للإيمان بمعنى أنه حرام أو معصية. حب الكافر المنقص للإيمان بمعنى أنه حرام أو معصية. C'est-à-dire, le deuxième règle, c'est d'aimer le kafir dans le sens que ça va faire diminuer ta foi parce que c'est haram ou un péché. Voilà qu'il la yukhrij min al-iman. Al-hukm al-thalith, hubb al-kafir al-mubah. Hubb al-kafir al-mubah. La troisième catégorie, c'est l'amour d'un kafir qui est permise. Wa al-qism al-rabi' hubb al-kafir la yumdahu wa la yuzammu bihi wa la yu'akhadhu bihi al-insan. C'est-à-dire d'aimer le kafir d'un amour dans lequel il n'y a pas de blâme ni de d'éloge, et que la personne ne sera pas prise pour compte pour ce genre ou cette catégorie d'amour du kafir. Le cheikh il a mentionné comme exemple de la première règle, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam par rapport à l'amour du kafir, yani al-hubb al-naqid lil-iman huwa an-naw' al-awwal hubb al-kafir li-dinihi. L'amour qui fait sortir quelqu'un de la foi pour le kafir, c'est quand il aime le kafir pour sa religion. Il aime le kafir parce que il est mushrik et kafir, et il aime son kufr et son shirk. Dans ce cas-là, il sort de l'islam. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأحكام حب الكافر المنقص للإيمان بمعنى أنه حرام ومعصية هو حب الكافر لمصلحة دنيوية أو لأمر مباح، وكذلك حب الكافر لمعصية، حب الكافر للمعصية، هذا لا يخرج من الملة ولكن هو منقص للإيمان. Donc la deuxième catégorie, l'amour qui fait diminuer la foi du musulman lorsque tu aimes un kafir et que c'est haram, considéré haram ou comme étant un péché, c'est lorsque tu aimes un kafir pour un intérêt de la dunya ou bien pour quelque chose qui est permis, comme par exemple dans l'histoire de Hatib. Yani fi matalan fi qissat Hatib. Hatib yani arada an yukhbir al-mushrikin بقدوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوهم، ولما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، يعني ذكر سببا من الأسباب، وذلك السبب كان أنه كان ما كان عنده أحدا، يعني ما كان عنده من أقارب، ما كان عنده أي شخص أو أي قريب في مكة يعني يحافظ على أمواله وأقاربه، فلذلك أراد أن يستعمل هذا الشيء حتى يحصل على أو يكسب من ربما يساعده في هذا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا عذرا يعني ولم يعتبر أنه قد خرج من الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله بسبب ذلك. Donc il y a l'exemple de l'histoire de Hatib. Lorsque Hatib avait envoyé la lettre aux mushrikin à Mecca pour leur informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les combattre ou envoyait son armée sur eux, et il n'a pas considéré ça comme étant quelque chose qui fait sortir de l'islam, parce que son intention en faisant ça, c'était uniquement de protéger ses biens et sa famille, parce que lui, il ne faisait pas partie d'une famille qui avait des proches dans la famille, dans la tribu de Quraysh. Donc il cherchait une forme de protection en agissant de cette manière-là. Pour les choses, pour la dunya, pas pour parce qu'il aime le kufr ou il souhaitait aider les kuffars contre les musulmans. وكذلك حب الكافر للمعصية هذا كله من المعصية وحرام ولكن لا يخرج من الملة. والحكم الثالث حب الكافر يعني الذي هو مباح هو حب المسلم لزوجته النصرانية. يعني comme par exemple l'amour du kafir qui est permis, c'est l'amour du musulman pour son épouse chrétienne par exemple ou juive. Toutefois, ولكن مع بغضها لدينها يعني مع انه يبغضها لدينها يعني malgré que يعني disons que il l'aime parce que c'est sa femme, يعني يحبها لانها زوجته ولكن يبغضها للدين يعني لدينها يعني يبغضها لكفرها ولشركها en même temps يعني في نفس الوقت il l'aime d'un amour parce que c'est sa femme, c'est un amour qui est permis, sauf que il déteste sa religion, il la déteste pour sa religion aussi. وحب الكافر طيب إن شاء الله وحب الكافر لا يمدح فيه ولا يذم به ولا يؤاخذ به الإنسان هو الحب الفطري مثلا حب الرجل لولده الكافر حب الرجل لولده الكافر أو حب الابن لأبيه الكافر ولأمه الكافرة هذا حب فطري وذكر لذلك الشيخ أمثلة كثيرة يعني من القرآن ومن السنة كذلك ذكر مثلا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يهدي من أحببت ولكن الله يهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالعلماء لما فسروا هذه الآية ذكروا بأن الحب المذكور في الآية هو الحب يعني الفطري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وكذلك يعني بعض العلماء فسروه ففسروا الآية بمعنى إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء هذا تفسير آخر أي نعم ولكن الشيخ ذكر هذين التفسيرين ورجح التفسير الأول الذي ذكرته donc le cheikh il a expliqué comme exemple il a mentionné l'exemple l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait avoir pour son oncle qui est un amour naturel parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran il dit à ce sujet là tu ne peux pas guider celui que tu aimes mais Allah guide qui il veut donc l'amour qui est mentionné dans ce verset là comme les ulama de tafsir l'ont mentionné c'est que c'est l'amour naturel et non pas l'amour par rapport à la croyance ou la religion, puisque Abu Talib était un mouchrik et il est mort mouchrik. Le frère Mega il a mentionné aussi l'autre exemple de tafsir que les ulama ont mentionné, du fait que le verset veut aussi, a aussi été interprété de la façon suivante, c'est-à-dire que tu ne peux pas guider celui dont tu aimerais la guidance. Donc tu aimerais qu'il soit guidé, mais Allah guide qui il veut. Ça c'est une autre explication ou une autre interprétation de ce verset-là. Donc en divisant les différentes catégories de bara et de yani de d'amour pour, envers les kuffars de cette façon, ça nous aide à comprendre mieux qu'est-ce qui rentre dans qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est kuffre et qu'est-ce qui n'est pas kuffre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans des formes d'extrémisme par rapport à ce genre de sujet-là, à cause du fait qu'ils n'ont pas compris cette question. Hein? Et surtout les néo-khawarij à notre époque, ils vont déclarer des dirigeants, des chefs d'État, ils vont déclarer des ulama et des individus ordinaires de kafir, ils vont faire leur takfir parce qu'ils n'ont pas compris et ils ne savent pas distinguer entre ces sujets-là. Si on retourne maintenant au livre, le cheikh il mentionne les mêmes choses que ce qu'on a mentionné, mais d'une autre manière, disons, moins élaborée et moins divisée, mais aussi bien clarifiée quand même, de la part du cheikh Salih al-Sheikh. Non. Oui, la première, oui, ok, si tu veux, pour clarifier, oui, c'est ça. Donc, la première catégorie, elle rentre dans le premier hukum. Qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? La deuxième catégorie, quand tu aimes un kafir pour sa dunya, ça rentre dans le deuxième hukum. C'est l'amour qui fait diminuer la foi et qui est haram. De même que d'aimer un kafir pour quelque chose qui est péché, comme la musique par exemple, ou un acteur, vedette de cinéma, hein, des choses comme ça. Ou bien d'aimer un kafir pour quelque chose qui est, wa alaykoum salam wa rahmatullah, yani pour un intérêt de la dunya, ou bien pour quelque chose qui est mubah aussi. Le cheikh dit pourquoi on le classe. Cheikh il dit pourquoi on classe la catégorie d'aimer un kafir pour quelque chose qui est mubah dans cette catégorie de qu'est-ce qui est haram. Il dit saddan lizari'a, yani dans le but de fermer la porte au fait que peut-être que le fait de l'aimer pour quelque chose qui est permis, d'aimer le kafir pour quelque chose qui est permis, ça risquerait de t'amener à, par la suite, l'aimer pour sa religion par la suite. Hein? Et c'est pour empêcher ça que les ulama le mentionnent comme étant ou comme faisant partie de qu'est-ce qui est haram. Aynam. Et ensuite, l'exemple de qu'est-ce qui est l'amour d'un kafir, comme par exemple quand tu aimes un kafir pour quelque chose de permis, comme par exemple un joueur de foot, hein, ça c'est l'exemple qu'on a mentionné, si on considère que jouer au foot comme ça c'est haram, que c'est halal, pardon. Et la cinquième catégorie, d'aimer un kafir pour quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, ça rentre dans le verdict numéro 3, al-hubbul kafir al-mubah. Ça rentre dans le fait d'aimer un kafir qui est permise. Et la sixième catégorie, d'aimer un kafir d'un amour qui est naturel, ça rentre dans le quatrième hukum, c'est-à-dire d'aimer d'aimer d'un amour qui n'est ni blâmé, ni qui n'est pas non plus glorifié, et que quelqu'un n'est pas tenu pour compte là-dedans non plus. Ok, donc ça c'est yani les exemples qui sont mentionnés dans le dars du cheikh à ce sujet là. Ouais, ben dans ce cas là c'est comme on dit, c'est quelque chose qui est permis, et si c'est un musulman, donc dans ce cas là c'est pas interdit. Mais si c'est un musulman qui fait quelque chose de haram, ben tu dois pas l'aimer, même si tu dois pas aimer son action, hein, tout en continuant à l'aimer pour la base du fait que c'est un musulman, mais tu détestes qu'est-ce qu'il fait. Tandis que le kafir, tu le détestes de façon générale parce que c'est un kafir, donc tu le détestes pour sa religion, hein, puis le fait que tu l'aimes pour cette affaire de la dunya, eh bien c'est considéré comme étant un amour qui est haram et qui est péché, puisque ça pourrait t'amener par la suite à aimer sa religion par la suite, ou aimer son mode de vie, hein, et à vouloir vivre comme lui, et à être comme lui, et à l'imiter, et à le suivre. Donc ça rentre dans quelque chose qui est dangereux. Hein? Et le cheikh Salih al-Sheikh, justement, il dit « Al-Masa'il al-Shara'iyya fi fiqhiha mabniya ala muqaddimatayn » Bon, il explique une règle de base, en fait, à la fin. C'est que, en tout cas, il explique qu'il faut faire la distinction entre les textes qui indiquent un verdict, puis l'application de ce verdict sur un individu spécifique. Ça, c'est deux choses différentes. Donc ça, c'est un point important que beaucoup de gens ils ne comprennent pas, et ça fait partie de l'ijtihad de faire ça. Donc c'est pas parce que tu vois un hadith ou un verset de Coran qui donne un verdict que telle chose est kufr ou telle chose est shirk ou telle chose est bid'ah, et toi tu vas appliquer ce verdict là sur un individu spécifique. Ça, c'est pas aussi simple que ça. Ça fait partie de l'ijtihad, et ça, c'est quelque chose qui se limite aux ulama. Donc, c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit, تحقيق المسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين. المقدمة الأولى, تحقيق المناط في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل, أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل, ليأخذ منه الحكم. وتحقيق المناط صنعة اجتهادية, كما قرره الشاطبي في الموافقات. وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى ولكن لا يعلم الثانية, وهي فقه تنزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم. Donc ça c'est le point que j'ai mentionné. Après il dit وهذا يقتضي أن يقي طالب العلم أن يقي طالب العلم نفسه في أن ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم إذا اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعا له من أن يخوض في المسألة بغير علم. Donc le talib ilm, des fois il peut connaître la première partie, connaît les textes, connaît les choses, mais la deuxième partie il la connaît pas. C'est-à-dire il est pas capable de nécessairement de savoir comment appliquer ce texte-là sur la personne et est-ce que ça s'applique réellement. Et donc dans des cas comme ça, le talib ilm doit se protéger lui-même et de rester à l'abri de vouloir justement appliquer les paroles des ulama ou bien les textes sur un individu en particulier pour éviter de faire des erreurs dans ces genres de choses-là. Et il devrait prendre les paroles des ulama qui sont tous d'accord sur quelque chose comme étant une barrière qui l'empêche de rentrer dans des sujets sans science, de parler de ces sujets-là sans avoir de science. Et en particulier les questions qui ont rapport avec al-wala wal-bara. Donc le cheikh il dit أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم وهذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين فإذا كانت للدنيا فهي فليست مخرجة من الدين والموالاة للدنيا يكون في بعضها إكرام وبشاشة أو دعوة أو مخالطة قد يكون ما قد يكون مأذونا به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر من مثل ما يفعله الرجل مع زوجته النصرانية و من مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب مع عدم المودة الدينية في الباطن فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها محرمة وغير جائزة إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا. Donc le cheikh il résume qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, il dit que la base de Al-Wala Wal-Bara, c'est de s'allier aux gens de la foi et de les aimer et de se désavouer du kufr. Hein, de s'allier à la foi et de se désavouer du kufr. Et ça, ça implique, bien entendu, d'aimer et de s'allier aux gens de la foi et de se désavouer des gens du kufr, selon leur religion, peu importe leur religion. Et cette forme de muwalat, ça se peut que ce soit pour la dunya et ça se peut que ce soit pour la religion. Si c'est pour la dunya, ça ne fait pas sortir de la religion. Comme par exemple dans le fait d'aimer pour la dunya, il y a des choses là, qui rentrent là-dedans, comme par exemple le fait de faire preuve de générosité et de de gentillesse, de montrer des signes de qu'on montre à quelqu'un qu'on est content, joyeux avec elle, et on se mélange avec cette personne et ainsi de suite. Il y a des choses là-dedans qui peuvent être permises du moment qu'il n'y a pas d'amour du cœur présente dans cette action-là. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on va faire, un homme fait avec son épouse qui est chrétienne, ou qu'est-ce qu'un homme va faire avec son père qui n'est pas musulman, ou des choses de ce genre. Hein, il va être généreux, il va montrer un bon comportement, des bonnes actions et une certaine attitude positive, sans toutefois avoir d'amour religieuse à l'intérieur de lui-même envers ce genre de personne. Donc, si cet amour ou cette attitude est uniquement pour la dunya, dans ce cas-là, c'est haram. Ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Et ce n'est pas permis, excepté dans les cas qu'on a mentionnés, et les exceptions qu'on a mentionnées. Donc ça, c'est à ce sujet-là. Puis, il rentre dans d'autres détails que nous, on ne veut pas rentrer dedans en ce moment, puisque c'est pas nécessaire pour l'instant de rentrer dans ces détails-là. Et il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Les paroles de Cheikh Salih al-Sheikh, c'est dans les fatawa de Tafsir al-Ummah, qu'on a fait dans les fatawa de Néo-Khawarij. On a tout traduit ça déjà, donc celui qui veut avoir les détails là-dessus peut retourner à ces fatwas-là. Et la parole de Cheikh al-Islam dans le volume 7 dans Majmou' al-Fatawa, la page 522, il dit: قال شيخ الإسلام قد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه أو ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل لحاطب ابن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici on a une citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui distingue entre al-wala qui fait sortir de l'islam et al-wala qui ne fait pas sortir de l'islam. Comme par exemple, il dit, il se peut qu'un homme ait un amour pour quelqu'un à cause d'un lien de parenté ou bien pour un besoin quelconque. Alors, dans ce cas-là, c'est un péché. Alors, dans ce cas-là, c'est un péché qui diminue sa foi, mais qui ne va pas faire de lui, qui ne va pas le faire devenir un kafir. Comme cela est arrivé dans le cas de Hatib ibn Abi Balta'a. On a mentionné l'exemple tout à l'heure de Hatib ibn Abi Balta'a lorsqu'il a envoyé la lettre aux mushrikin pour les informer de certaines informations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait l'intention de les attaquer ou d'aller contre eux. Donc ça, c'est l'exemple, une parole de Cheikh ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Puis, bien entendu, il y a d'autres détails des paroles des ulama à ce sujet-là. Mais si on a compris qu'est-ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, ça suffit. On n'a pas besoin de rentrer plus que ça dans les détails. Maintenant, en dernier, le cheikh, il parle de al-tashabbuh. Tashabbuh lil-kuffar. Et il explique qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui est interdit dans ces questions-là, et il détaille à ce sujet-là aussi. Donc, l'explication qu'il donne, c'est tirée du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Le livre de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, et c'est très élaboré. Donc, on va lire juste une partie, Inch'Allah, on ne va pas tout lire, juste pour essayer de comprendre les détails à ce sujet-là. التشبه وضوابطه. أولا من المعلوم لكل مسلم أن الله تبارك وتعالى نهى عن التشبه بالشيطان وعن التشبه بالكفار وعن التشبه بالحيوان وعن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال والذي يهمنا هنا النهي عن التشبه بالكفار لما له من علاقة بعقيدة العبد ومنهجه. Donc, premièrement, on sait très bien que tout musulman sait que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans de ressembler au shaitan. Donc on n'a pas le droit d'imiter le shaitan. On n'a pas le droit d'imiter les kuffars. On n'a pas le droit d'imiter les animaux. On n'a pas le droit, si on est un homme, d'imiter les femmes. Ou si on est une femme, d'imiter les hommes. Et on n'a pas le droit, hein, donc, de rentrer dans ces formes d'imitation-là. Qu'est-ce qui nous concerne aujourd'hui, et le plus important pour nous, qu'est-ce qu'on veut expliquer, c'est l'interdiction d'imiter et de ressembler aux kuffars. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas imiter les kuffars? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi. Des musulmans, ils ne comprennent pas pourquoi on n'a pas le droit d'imiter ou de ressembler aux kuffars. Et le cheikh, il l'explique ici, il dit, une des raisons pourquoi on n'a pas le droit, c'est justement parce que il y a un lien dans le fait de ressembler au kuffar, il y a un lien avec la aqida et le manhaj du musulman là-dedans. Le fait d'imiter les kuffars et les mushrikin, c'est relié d'une certaine façon avec la croyance, la aqida et le manhaj, la méthodologie. Hein? Que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, il y a un lien avec ça. Dans ta façon de t'habiller, d'agir et de vivre et d'être. Hein? Et il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam qui sont très très détaillées à ce sujet-là et qui montrent qu'il y a toujours un lien entre l'extérieur et l'intérieur. L'apparence extérieure reflète l'intérieur d'une personne. Hein? Si quelqu'un s'habille pour, comme par exemple un gothique s'habille en suivant la mode gothique, c'est d'une certaine façon parce qu'elle a un amour pour ce mode de vie là ou ces idéologies là. Hein? Habituellement, quelqu'un ne va pas s'habiller en gothique excepté s'il a les mêmes idées que ces gens là ou les punks. Hein? Ou bien la même chose pour les anarchistes ou bien d'autres tendances de ce genre. Ça, c'est pas nécessairement des religions, mais n'empêche que ce sont des façons de penser et des modes de vie. Hein? La même chose que un prêtre, par exemple. Quelqu'un ne va pas s'habiller en prêtre, sauf s'il a une certaine croyance qui est en accord avec qu'est-ce que font les prêtres. Hein? Sinon, il y a un problème. Et souvent, on dit « l'habit ne fait pas le moine ». Mais l'habit fait le moine en réalité. Hein? On reconnaît le moine par son habit. S'il ne porte pas l'habit, on ne veut pas savoir qu'il est un moine. Donc c'est vrai que l'habit, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on dit l'habit ne fait pas le moine? Ça ne veut pas dire que l'habit, c'est pas le moine ne doit pas s'habiller en moine pour être un moine. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le fait que quelqu'un est habillé en moine, ça ne veut pas dire qu'il est réellement un vrai moine. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas un. Donc, quand on utilise ça, souvent c'est pour mentionner par rapport à l'hypocrisie. Que quelqu'un montre quelque chose, puis qu'à l'intérieur de lui-même, il est autre chose. Ou il n'est pas nécessairement, il n'est pas, disons, cohérent entre son apparence et sa façon d'agir. Il y a une incohérence entre les deux, ou une contradiction quelconque. Dans ce sens-là, on dit ça. Donc, c'est juste pour expliquer le proverbe, qu'est-ce que les gens répètent. Mais sinon, nous, par rapport à l'islam, on sait que dans la religion, il y a ces choses-là. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il a vraiment analysé la question un peu à la façon, comment on pourrait dire, la question sur le plan psychologique aussi, dans le fait d'imiter, de vouloir ressembler. Il a analysé la question sur le plan psychologique. Qu'est-ce qui pousse des gens à vouloir essayer d'imiter les autres ou ressembler à d'autres? Et souvent, c'est comme on remarque de la part de certains musulmans qui n'ont pas, par exemple, compris leur aqida ou compris leur religion comme il faut. Ils ont, par exemple, un complexe d'infériorité face au kuffar ou bien face à l'Occident. Ils se voient plus bas que les kuffar. Et lorsque, par exemple, ils voient des musulmans qui s'habillent selon le Coran, selon la Sunna, hein, selon le Coran et la Sunna, ils voient ça comme si c'était quelque chose qui les dénigre ou qui les rabaisse, hein, et qui leur fait honte. Ils vont voir un musulman avec la barbe, le qamis, ils disent, ces gens-là, ils nous font la honte. Et pour eux, le fait de s'habiller à l'occidental avec le veston, la cravate, et, ou bien à la mode moderne des kuffars, que pour eux, ça c'est un signe, hein, que la personne elle est évoluée, qu'elle est avancée, qu'elle est développée, qu'elle est moderne, hein, intégrée, et ainsi de suite. Cette idée ou cette façon de comprendre l'affaire, ça prouve déjà que dans le cœur de la personne, il y a un grand complexe ou bien un manque de foi et de personnalité. Hein? Et ça va loin des fois ces choses-là. Yani, ça va même jusqu'à vouloir aller jusqu'à changer la création d'Allah. Ça va même jusqu'à vouloir aller changer la création d'Allah. Parce que tu vois des gens qui commencent même à non seulement détester leur apparence extérieure, dans le sens extérieur, dans les vêtements ou la mode, mais même à se détester en tant que personne, en tant qu'apparence, dans sa création, comment Allah l'a créé. Et il veut essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Alors il va se faire des chirurgies, il va essayer de changer son apparence, il va essayer de même peut-être changer sa couleur. Dans certains cas, l'amstan. Donc ça, c'est des exemples comme à quel point certains peuvent aller loin dans at-tashabbuh, des choses qui sont contraires à l'islam. Hein? Donc, Cheikh, il explique, il dit pourquoi tout ça, parce qu'il y a un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Ok. ليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه وإما لحسنات محد السيئات أو غير ذلك وإنما الغرض أن تتبين ضرورة العبد ووفاقته إلى هداية الصراط المستقيم وأن ينفتح لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر وسائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا وقد بعث الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرع والمنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. Donc l'introduction de qu'est-ce que Cheikh Al-Islam il mentionne, c'est pour expliquer que lui, le but, on ne veut pas entrer dans tous les détails, mais qu'est-ce qu'on veut faire comprendre, c'est on veut clarifier la nécessité pour le serviteur de suivre le droit chemin et d'être sur le sirat al-mustaqim pour que la porte vers la connaissance de la déviation soit claire pour lui et pour qu'il puisse être préservé et faire attention. Puis, en fait, il faut savoir que le sirat al-mustaqim, le droit chemin, comprend plusieurs choses. Ça comprend des choses dans le cœur, comme les croyances, les désirs, les choses que tu veux, ta volonté, et ainsi de suite. Et ça comprend aussi des choses apparentes et extérieures, comme les paroles, les actions, qui peuvent parfois faire partie des adorations et qui peuvent également aussi faire partie des habitudes et des choses traditionnelles, comme par exemple la nourriture, les vêtements, les choses qui ont rapport avec le mariage, les habitations, le sens de vouloir se réunir et ainsi de suite, et de se séparer, le voyage, la résidence, le fait de monter sur une monture ou ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses apparentes, et il y en a des choses, comme on a mentionné tout à l'heure, qui sont cachées, mais il faut absolument qu'entre ces choses-là, il y ait des liens et des occasions qui les réunissent et qui les rassemblent. Donc, il montre le shirk qu'il y a un lien entre qu'est-ce qui est extérieur et intérieur. Il dit, qu'est-ce qui est dans le cœur comme sentiment et comme état, ça a des implications extérieures et apparentes. De même que qu'est-ce qui est apparent parmi nos actions, ça a une implication également dans nos sentiments et dans nos états intérieurs. Des fois, il y a la façon dont tu vas t'habiller, la façon dont tu t'habilles et comment tu te portes toi-même, quand tu sors devant les gens dans la rue, ça a un effet sur toi-même, dans tes sentiments et dans ton état, comment tu te sens vis-à-vis des autres, et également le fait que tu t'habilles d'une certaine façon, ça va avoir un effet sur les autres, et cet effet que ça a sur les autres, ça va créer en eux des sentiments et des états qui vont se répercuter sur toi-même par la suite aussi, et qui vont se refléter sur toi aussi. Donc, il y a un lien toujours entre l'intérieur et l'extérieur, qu'on le réalise ou qu'on le réalise pas, qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas. Même, non seulement dans qu'est-ce que le cheikh l'a mentionné, mais il en parle à un autre moment donné dans le livre, Iqtida Sirat al-Mustaqim, mais même le langage que tu emploies, il a un effet sur toi et sur les autres aussi. Et pas seulement le langage, c'est-à-dire la langue, mais même le niveau de langue que tu emploies, il va avoir un effet sur toi-même et sur les autres personnes. Celui qui parle un langage très raffiné, très méticuleux dans sa façon de parler, eh bien, il a un effet sur les gens et sur lui-même, tandis que celui qui parle le langage de la rue, et ou bien qui est vulgaire, eh bien, ça a un effet sur lui et sur les autres aussi. Donc, il y a des niveaux de langue, et aussi, ça a un effet. Ensuite, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la sagesse, qui est sa sunnah, et qui est en même temps sa législation et sa méthodologie et sa voie qu'il nous a légiféré et ordonné de suivre. Et dans cette sagesse et dans cette sunna, il y a des choses qui sont légiférées parmi les actions et parmi les paroles qui nous incitent ou qui nous poussent à nous distinguer de la voie des gens sur lesquels Allah a mis sa colère et qui sont égarés, parmi les juifs et les chrétiens, les koufars en général. Et il nous ordonne également de les contredire et de nous distinguer d'eux dans la guidance, dans les choses apparentes, même si le méfait qui est dans le fait de leur ressembler dans ces choses-là n'est pas apparent pour tout le monde ou pour plusieurs d'entre les personnes. C'est-à-dire que parfois, dans le fait d'imiter quelqu'un, parmi les koufars, ou d'imiter certaines choses que font les koufars, peut-être que tu ne vas pas voir à première vue qu'il y a un mal là-dedans, ou qu'il y a un méfait là-dedans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait l'effet négatif qu'il y a dedans, et c'est pour cette raison-là, pour une sagesse, qu'il l'a interdit. Et le cheikh, il mentionne certaines de ces sagesses-là. منها أن المشاركة في أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس لأن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Parmi les sagesses et les choses qui existent dans les dans les effets de vouloir ressembler ou d'imiter des gens. Le fait de ressembler à quelqu'un et d'essayer de le suivre ou d'être avec lui dans son apparence extérieure, ça ramène, parmi les choses que ça ramène une sorte de complicité et une sorte de d'imitation aussi entre les deux personnes qui se ressemblent, qui les amène par la suite à être en accord dans leur comportement et dans leurs actions par la suite. Il dit, et ça c'est une chose palpable, une chose réelle qu'on peut constater. Par exemple, la personne qui porte les vêtements des hommes de science, des savants de l'islam. Même s'il n'est pas un savant lui-même, juste le fait de porter les mêmes vêtements qu'eux, et de s'habiller comme eux et de leur ressembler, il sent qu'il a une certaine appartenance avec eux, juste dans le fait de leur ressembler. La même chose que la personne, par exemple, qui va porter des vêtements des militaires, qui s'habille en militaire. Hein? Il va sentir d'une certaine façon qu'il fait partie d'eux, même s'il n'est pas un militaire pour de vrai. Hein? Il finira même militaire. Hein? Et il va commencer à adopter le même comportement qu'eux. Si tu portes le vêtement d'un policier, même si tu n'es pas policier, tu vas adopter le même comportement que lui. Imaginez maintenant la femme, hein, Allah al-Musta'an, la femme qui va porter les vêtements d'une prostituée. Même si elle n'est pas prostituée, elle va adopter les mêmes comportements que elle. Et une femme musulmane, donc, qui va s'habiller comme une kafira, par exemple, dévergondée ou avec des vêtements moulants et collé sur elle, eh bien, ça va avoir une influence sur son comportement aussi. Hein? Qu'elle le veuille ou non, qu'elle l'admette ou non. Hein? Allah al-Musta'an. Jazakallahu khairan. Donc, qu'est-ce que le frère, il mentionne ici? Ça, c'est un point très important. Et ça, je pense qu'on peut tous le sentir et le vivre même lorsque, par exemple, l'un d'entre nous, on est dans ce pays, par exemple, un pays de kafir, un pays de kufr, et qu'on porte un qamis avec la barbe. Et, par exemple, un chapeau comme ça, par exemple, un taqiyya, ou bien, peu importe comment on l'appelle, shashiyya, et on sort dans la rue, on marche parmi les gens. On rentre dans des endroits publics, ou des choses comme ça. L'effet qu'on ressent en nous-mêmes, on ressent beaucoup plus de retenue à faire certaines choses que lorsqu'on était habillé d'une manière qui nous confond dans la masse avec les koufars. Lorsque tu t'habilles avec un simple pantalon et une veste ou une chemise ou bien un chandail ordinaire comme qu'est-ce que les gens portent en général, sans nécessairement te distinguer plus que ça, tout en ayant par exemple la barbe et des choses comme ça, tu te sens moins différent des koufars. Et donc, tu te sens moins conscient parfois de la différence qui existe dans le comportement et dans l'attitude. Parce que tu es moins conscient de la différence que tu as avec eux dans l'apparence. Et donc, tu sais que tu passes plus incognito. Et donc, tu vas peut-être te permettre de faire des choses que, si tu étais avec le kamis et la barbe, tu n'aurais jamais osé faire parce que tu as une image que tu reflètes, et ça tu sais que c'est en même temps une sorte de da'wa. Tandis que lorsque tu ne portes pas ces vêtements-là, tu passes dans la rue incognito, personne ne va te distinguer par rapport à ta religion, et donc tu vas parfois te permettre peut-être d'agir de certaines manières que tu n'oserais jamais, hein, lorsque tu n'as pas ces vêtements-là. Et donc ça c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. Le cheikh il mentionne un autre exemple. ومنها أن سأسي ابن تيمية تجور إذ ومنها أن المخالف المخالفة في الهدي الظاهر تجب مباينة ومفارقة تجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا وعليكم السلام ورحمة الله بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. Donc le cheikh il dit et il explique qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, la même chose. Le fait de se distinguer dans leur apparence extérieure, ça amène à se séparer complètement d'eux dans tout ce qui peut amener quelqu'un à être dans tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans les causes de ce qui amène la haine ou la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous-mêmes ou dans les causes de l'égarement. Le fait que tu te distingues d'eux, ça fait en sorte que tu t'éloignes des causes de l'égarement et des causes de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien de ce genre de choses. Maintenant, le fait de te distinguer d'eux également aussi, ça fait en sorte que tu te rapproches plus, tu as un sentiment plus fort envers les gens de la guidance et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu réalises ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme coupure des liens de l'allégeance entre son armée, parmi les gens qui sont les gens qui ont le succès, de ceux qui font partie de ses ennemis, parmi les perdants, parmi les koufars, les mouchriquins, les juifs et les chrétiens, et ainsi de suite. Donc, plus le cœur de quelqu'un est rempli de foi et de vie, et qu'elle a une connaissance plus complète de l'islam, plus elle va ressentir cette séparation de par rapport aux juifs et aux chrétiens dans qu'est-ce qui est apparent et dans qu'est-ce qui est intérieur et extérieur. Et il va s'éloigner encore plus de leurs mauvais comportements et des choses qui font partie de leurs caractéristiques qui sont présentes parfois chez certains musulmans. Il dit aussi comme un autre exemple, il dit ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. Il dit parmi les exemples aussi, c'est que le fait de leur ressembler dans les choses apparentes, ça amène aussi à se mélanger de façon apparente avec eux, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer de façon apparente entre les gens qui sont parmi eux, qui sont bien guidés, parmi les bien guidés, parmi les croyants que Allah a agréés, les musulmans, et les koufars, parmi les juifs et les chrétiens, ceux qui ont la colère d'Allah sur eux et qui sont dans l'égarement. Ça fait partie des causes de la sagesse qui nous ordonne de nous distinguer de ces gens-là. Et ça, beaucoup de musulmans, ils comprennent pas ce point-là, malheureusement. Parce qu'ils pensent que l'islam, c'est seulement une appartenance culturelle et que c'est seulement il y a une certaine croyance, certains rituels qu'on doit pratiquer, puis que ça s'arrête là. Et que ça va pas plus loin que ça. Et ils réalisent pas qu'il y a un lien entre le fait de vouloir imiter et suivre les koufars dans leur mode de vie, dans leur façon d'agir, dans leur comportement, et la religion qu'ils suivent, et la religion qu'on suit. Et il dit que ça, c'est juste si on parle des apparences extérieures, dans les choses qui sont permises dans la religion de l'islam, sans parler de vouloir leur ressembler dans des choses qui font partie de leur koufre. Alors là, dans ce cas-là, c'est encore plus grave. Parce que ça fait partie des branches, parmi les branches du kufr, et ou bien de vouloir leur ressembler dans des choses qui font partie de leurs péchés ou de leurs égarements, ça c'est encore plus grave, et donc ça c'est un fondement très important qu'on doit tous comprendre. Deuxièmement, ثانياً, نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار في اعتقاداتهم الفاسدة وفي عباداتهم المبتدعة وفي أعيادهم. Deuxièmement, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit de ressembler aux kuffars dans leurs croyances corrompues, dans leurs adorations qui sont innovées, et dans leurs fêtes et dans leurs célébrations. قال شيخ الإسلام يعني سبحان الله, les chrétiens quand ils font le Noël, quand ils fêtent Noël, ils ont qu'est-ce qu'on appelle les paniers de Noël. Les paniers de Noël, c'est-à-dire ils préparent ils ramassent de la nourriture, des conserves, des choses comme ça, pour donner aux familles pauvres pour qu'ils puissent avoir de la nourriture pour fêter Noël. Et maintenant, j'ai lu dans certaines mosquées, ils ont mis une affiche, c'est écrit les paniers de Ramadan. Yani, ils veulent faire des paniers de Ramadan, yani. Allah Moustahan. Donc, c'est pour dire, des fois, des gens, ils veulent juste imiter les koufars, hein, aveuglément, sans comprendre, hein. Oui, Zakatul Fitr, ça fait déjà partie de l'islam, et ça, c'est pas une bid'a, hein, et on donne la nourriture aux pauvres, hein, le jour d'un Eid, pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger ce jour-là, ça fait déjà partie de l'islam. Donc pourquoi ramener des appellations et des choses qui font partie de qu'est-ce que font les juifs et les chrétiens et les koufars pour ramener ça dans l'islam maintenant, hein? Donc ça c'est des exemples, Allah musta'an, d'imitation des koufars. Et en passant, le panier de Noël, il y a plein de musulmans qui demandent. Quand les koufars ils donnent le panier de Noël, il y a plein de musulmans qui appellent les koufars pour leur dire, nous on veut un panier de Noël. Un panier de Noël. C'est quoi? C'est une boîte avec la nourriture dedans, des conserves, des choses comme ça. Ils te donnent une dinde, des petits cadeaux, des choses comme ça, ouais. Donc ça, c'est des exemples. Maintenant, il y a des musulmans qui veulent imiter ça, hein. Donc, on est interdit de les imiter dans leurs adorations, dans leurs croyances, premièrement, parce que si tu les imites dans leurs croyances, c'est grave, tu peux tomber dans le coffre. Si tu les imites dans leurs adorations, tu rentres dans la bid'a, et si tu les imites dans leurs célébrations, eh bien tu rentres dans l'égarement aussi, la bid'a aussi, hein, et même peut-être le kufr aussi, hein. Donc il dit Cheikh al-Islam à ce sujet-là, قال الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فكان الضالون بل المغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موضع حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. Donc le Cheikh l'Islam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, puis ceux qui ont eu le dessus sur eux ont dit, on va faire une mosquée sur eux, hein, un lieu d'adoration sur eux, en parlant déjà de la caverne, hein. Il dit donc que les juifs et les chrétiens, les égarés et ceux sur qui la colère est tombée, ils construisent des lieux de culte sur les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit à sa umma de faire cela dans plusieurs circonstances. Et même juste avant d'avoir quitté ce monde, avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il interdit aux musulmans de construire des lieux de culte sur les tombeaux. Et c'est ce qu'on a retrouvé malheureusement chez beaucoup de musulmans aujourd'hui qui construisent des mosquées et des lieux de culte et des mausolées et des sanctuaires sur les tombes des hommes pieux et des awliyas et des assiyades et des choses comme ça, et qui font les pèlerinages là-bas et qui leur offrent des actes d'adoration et qui font du shirk autour de ces tombes. Donc, ils ont imité les juifs et les chrétiens dans ces choses-là, et ça rentre dans les pratiques religieuses qui font partie des bid'ahs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, « La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhazu quboura anbiya'ihim masajid » Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les lieux d'adoration, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de culte et des lieux d'adoration. ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة فلا يهتمون في أمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد بالصور والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال وما فيه مضاهة لبعض حال الضالين. Il dit, maintenant, tu vois également que les chrétiens, par exemple, les égarés, ils ont fait de leur religion des chants qu'ils utilisent pour, soi-disant, se rapprocher d'Allah, et des belles images, des belles apparences, des choses comme ça, et ils ne se concentrent que sur ces choses-là dans leur religion. Il y a qu'est-ce qu'on appelle, chez les chrétiens, les chants grégoriens, chez les catholiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des chants grégoriens. C'est des moines, ils se mettent dans des cathédrales, ou bien des monastères, ou des choses comme ça. Et puis, ils chantent tous à l'unisson, d'une seule voix, et puis ils font des chants comme ça. Je ne vais pas vous faire de démonstration parce que ce serait pas propice, Yanni. Mais c'est pour vous dire, Yanni, des fois c'est en latin et des choses comme ça. Mais il y a des musulmans, comme le cheikh il dit, il y a des musulmans aujourd'hui, ils ont imité la même chose. Ça, c'est les catholiques. Les protestants, la même chose. Vous savez, dans les églises des noirs américains, le gospel, comme on appelle, c'est devenu maintenant une sorte de musique. Et ils chantent et ils dansent même dans l'église. Protestants, ils font ça. C'est surtout les protestants. Les catholiques, eux, c'est plus avec l'orgue. La chorale, l'orgue, et ainsi de suite. Et puis, dans toutes les églises, il y a un chœur. Ils amènent des petits-enfants pour chanter dans des chœurs. Et puis, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des exemples. Et il y a des musulmans aujourd'hui qui ont imité les chrétiens dans ça, parmi les soufis. Et tu les vois maintenant, ils font des chansons, ils chantent. Ils font des anachides, et même ils font des groupes maintenant d'anachides, ils font des spectacles d'anachides, ils font même des clips d'anachides. Il y a des chanteurs maintenant, religieux soi-disant, et ils font leurs conventions ou leurs conférences, les Ikhwan, les frères musulmans, ils invitent leurs chanteurs et ils font des spectacles devant les filles voilées, et puis tu les entends crier comme ça, ils vont signer des autographes après le spectacle. Et des choses de ce genre. Donc, ils ont imité les koufars dans leurs bid'ah et dans leurs égarements. Et ils vendent leurs clips, ils vendent leurs disques, leurs CD, et c'est fait en studio et c'est vendu à des quantités industrielles. Allah musta'an. Donc, ça, c'est des exemples d'imitation des koufars. Sans parler de la danse. Que certains soufis vont faire aussi dans leur mosquée, quand ils font leur hadra, ou bien quand ils font d'autres choses, ils ont des danses qu'ils font entre eux, des mouvements avec le cheikh, ils se penchent à gauche, en avant, en arrière, et même des fois c'est les femmes aussi, les soufis se mélangent les hommes et les femmes, et ils mettent les femmes en avant pour danser devant les hommes, se comporter un peu comme des bêtes sauvages, des animaux sauvages, l'amstan. Donc ça c'est à quel point certains d'entre les musulmans ont imité les koufars. Et vous savez que beaucoup des grandes vedettes américaines, des chanteurs, et autres, ils ont appris à chanter dans les églises. Ils sont devenus des chanteurs parce qu'ils ont appris à chanter dans les chorales et dans les églises avant de devenir des vedettes de musique populaire. Eh bien, chez les musulmans, Allah musta'an, certains, ils sont arrivés à ça aussi. C'est-à-dire, certains, ils ont appris à la récitation du Coran de la façon dont certains le font, par exemple, en Égypte. Ils apprennent une certaine façon de réciter le Coran, qui est une bid'a, de le réciter d'une certaine manière, et puis après, ils l'appliquent à la musique. Et une des chanteuses égyptiennes, justement, est devenue très très célèbre, parce qu'elle avait appris à chanter justement en récitant le Coran de cette manière-là, puis ils ont appliqué ça par la suite à la musique. Elle est devenue une grande chanteuse, tout le monde la connaît. Donc, tout ça, ça vient des exemples des innovations et des bid'ahs que les gens ont pris en imitant les chrétiens. ثالثا لا يشترط في المشابهة قصد المشابهة. Ça c'est un point important, c'est que c'est pas une condition que quelqu'un ait l'intention d'imiter les koufars pour que ce soit considéré comme une imitation des koufars. Parce qu'il y en a qui disent, non mais moi je fais pas ça pour les imiter. C'est pas grave, même si tu n'as pas fait ça pour les imiter, ça rentre dans l'imitation des koufars. Tu vois par exemple des musulmans, ils vont porter une main de Fatima, qu'ils appellent l'yad, al-khams, et ils mettent ça avec l'œil au milieu ou des choses comme ça, ils portent ça dans leur cou, ils disent non moi je crois pas en ça, mais je le mets dans mon cou. C'est pour imiter les chrétiens qui portent la croix ou des choses comme ça. Ils disent que ça protège contre le mauvais œil, contre les mauvais sorts, des choses comme ça. Ça rentre là dans l'imitation, et ça a un lien avec la aqidah, et donc ça rentre dans le shirk, et c'est interdit. C'est interdit. Hein, malgré tout, tu le vois partout maintenant. Hein? Plein d'autres exemples comme ça, et quand on regarde dans la charia, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interdit d'imiter les gens pour quelque chose, il n'a pas mentionné la question de l'intention. Par exemple, quand il a dit aux musulmans, ne priez pas avant le coucher de soleil, après l'asr, entre le coucher de soleil et l'asr, et ne priez pas non plus avant le lever de soleil, il a dit parce que c'est les moments où les mouchriquines adorent le soleil. Il n'a pas dit, sauf si vous avez une autre intention que d'adorer le soleil. Il n'a pas dit ça. Donc ça c'est la preuve que le fait que tu aies l'intention ou non d'imiter les koufars dans qu'est-ce qu'ils font, c'est quand même haram. Si tu le fais dans la même intention qu'eux, donc là c'est kufr. Mais si tu le fais pas dans l'intention de le faire comme eux, dans la même intention qu'eux, parce que là ça rentre dans la désobéissance. Hein? Bien entendu, selon le cas ou selon l'exemple. Et le cheikh il mentionne à ce sujet-là des exemples, il dit قال الشيخ الاسلام في الاقتضاء وقد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنه والاجماع والاثار واعتبار ما دل على ان التشابه بهم في الجمله منهي عنه وان مخالفتهم في هديهم مشروع اما ايجابا واما استحبابا بحسب المواضع. اي نعم. وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصد، وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أم لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب وغير ذلك ونحو ذلك. Donc Cheikh il mentionne donc les explications que j'ai mentionnées tout à l'heure, que c'est pas une condition pour qu'on dise que tu imites les koufars, que ce soit l'intention qui soit présente pour que ce soit le même intention. C'est comme une femme qui s'habille dans la rue à moitié nue. Hein? Si tu lui dis pourquoi tu t'habilles comme une prostituée ou des choses comme ça, une traînée dans la rue, elle va dire non, mais moi c'est pas je fais pas ça pour imiter ces femmes-là. L'important c'est pas ton intention. L'important c'est ce que tu fais dans la réalité. Si tu le fais, même si ton intention c'est pas ça, la femme qui lui répond, il faut pas que tu t'imagines que parce que je suis habillé comme ça, que ça te donne le droit de me parler de cette façon. Alors, la personne en question a répondu en disant, si ça donne pas le droit de parler de cette façon-là, mais il faut admettre quand même que ça envoie un très mauvais signe, un très mauvais signal, un très mauvais message, qui est très trompeur. Et c'est comme, il a donné l'exemple comme si quelqu'un qui s'habille en policier, et puis toi tu t'en viens, tu dis, monsieur l'agent, venez s'il vous plaît, il y a un monsieur qui est en train de voler là maintenant, il est en train d'attaquer quelqu'un. Et toi tu lui réponds, tu dis, il faut pas vous imaginer que parce que je m'habille comme un policier, que ça vous donne le droit de croire que je suis un policier pour de vrai, et que je vais venir vous arrêter un voleur ou des choses comme ça. Sauf qu'on doit admettre que ça envoie un très mauvais message, hein, et que c'est un peu con, ça amène beaucoup de confusion. Bon, c'est un exemple pour dire des fois maintenant, les gens qui s'habillent comme les gens qui font des péchés ou qui désobéissent à Allah ou qui font des choses haram, et puis, allez, ils disent non, mais ça ne veut pas dire que je m'habille comme ça que je ne suis pas correct ou que je ne suis pas une bonne personne ou que je ne fais pas le bien ou que je n'ai pas un bon cœur. Ton cœur, c'est Allah qui le connaît. Nous, on se base sur qu'est-ce qu'on voit, on se base sur qu'est-ce qu'on entend. Hein? Allahu a'lam. Donc on va s'arrêter ici pour ce sujet, puis on vient de conclure donc le chapitre sur les néo-khawarij avec cette partie-là. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.